Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On pourrait finir par croire que vous aimez la guerre. Mais en fait, vous n'aimez pas la guerre, disait Philippe de Saint-Robert à Pierre Messmer, à qui il consacrait en 1997 sur France Culture une série d'avoués nus. En fait, ajoutait-il, comme Malraux ou comme Monterland, ce que vous aimez dans la guerre, c'est la fraternité d'armes. Après une jeunesse aventureuse, après la France libre devient la France combattante, et après de la Mauritanie à Dakar, voici la suite et fin de cette série. Le retour du général de Gaulle, puis Pierre Messmer succède à Jacques Chaban-Delmas. Première diffusion sur France Culture, les 11 et 12 décembre 1997. Bonjour, Pierre Messmer, nous avons quitté hier au moment où vous partiez de Dakar dans un silence respectueux et émouvant, et vous vous interrogez sur votre avenir. Vous écrivez dans vos mémoires, au moment où l'administration coloniale me quitte, je ne souhaite pas continuer ma carrière dans l'administration métropolitaine, je m'y sentirai à l'étroit après tant d'années outre-mer. Je demanderai un congé sans solde et je commencerai une nouvelle carrière dans le secteur privé. À 44 ans, c'est encore possible, je n'en dis pas plus. Là, vous parlez au général, n'est-ce pas? Et peut-être le général a-t-il appris, ajoutez-vous, que mon ami Guy de Rothschild m'a proposé la présidence d'une société minière. Vous y avez vraiment cru à cette nouvelle carrière privée? Oui, c'est-à-dire, je l'avais envisagé sérieusement, puisque, comme je l'ai dit, j'avais décidé de ne pas continuer ma carrière dans l'administration métropolitaine. Je ne me voyais pas comme préfet de région, à l'époque ça existait encore, je ne me voyais pas non plus comme ambassadeur ici ou là. Alors, il fallait retourner en Afrique. Et par conséquent, en Afrique c'était totalement impossible, alors. Oui. Et en Extrême-Orient aussi. Par conséquent, j'avais décidé de quitter l'administration et il se trouvait que j'avais la possibilité de faire une nouvelle carrière. Cette possibilité a été supprimée, si je peux dire, abolie par la décision du général de Gaulle de me nommer ministre des Armées. Je tiens à dire qu'il m'a pas demandé mon avis, il m'a convoqué et il m'a dit un matin, 8h du matin, je revenais d'Algérie, j'ai décidé de vous nommer ministre des Armées. Rentrez chez vous parce qu'il faut que j'avertisse le Premier ministre qui, je l'ai compris, n'en savait rien à ce moment-là. Qui était Michel Debré. C'était Michel Debré. Et cet après-midi, l'annonce sera faite officiellement. Vous succédez à Guillaume? J'ai succédé à Pierre Guillaume. Oui. Alors, c'était en février 1961. Voilà. Alors vous dites quand de février 1960 à mai 69. Vous avez donc été ministre des Armées. Oui, 8 ans et demi. Huit ans et demi. Et alors, dans la période la plus difficile, parce que comme ministre des Armées, vous êtes confronté d'abord au règlement de l'affaire algérienne, qui sur le plan militaire ne pose pas tellement de problèmes sur le terrain, mais qui en pose bien d'autres sur le plan psychologique, parce que nombre d'officiers ne vont-ils pas s'autoriser de la dissidence de 1940 pour revendiquer une sorte d'objection de conscience au nom des engagements qu'ils pensent avoir pris au nom de la France par rapport à certaines populations algériennes, et comme s'il n'y avait pas au fond quand même une différence fondamentale entre ce que décide un État républicain et un État destitué de légitimité du fait qu'il est sous un régime d'occupation. Oui, la fonction du ministre des Armées, au temps du général de Gaulle, n'était pas d'interférer dans la conduite des opérations militaires en Algérie. Oui. Car le général de Gaulle avait toujours, et il l'avait exprimé dans plusieurs de ses écrits dès avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a dans l'esprit du général de Gaulle une répartition des fonctions très claire entre le gouvernement et le commandement. Le commandement est responsable des opérations. Par conséquent, il ne revient pas au ministre de monter des opérations ou même de dire au général commandant-chef, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est la responsabilité du commandant-chef. Et si le gouvernement n'est pas content du commandant-chef, il n'a qu'à en changer. C'est la position claire du général de Gaulle et c'est la mienne dans cette affaire. Mais il reste que le ministre a une lourde, très lourde responsabilité pendant la guerre d'Algérie. C'est de veiller à la bonne santé morale des armées. Car les armées traversent une crise extrêmement grave, surtout l'armée de terre, évidemment, qui se trouve au contact de la population algérienne. Et cette crise très très grave des armées va aboutir à ce que l'on a appelé le putsch des généraux. L'affaire des barricades a déjà eu lieu quand vous arrivez. Alors l'affaire des barricades a montré que l'armée était très réticente lorsqu'il fallait rétablir l'ordre public troublé à l'époque par les Français d'Algérie et non pas les musulmans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'armée à Alger n'a pas fait preuve de beaucoup de diligence dans la démolition des barricades. Et c'est ce qui avait beaucoup préoccupé le général de Gaulle. Ce sera, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, mon principal problème et, je dois dire, ma principale difficulté. Le putsch est plus grave, parce que là, il y a des officiers qui s'impliquent eux-mêmes dans putsch, une rébellion. Le putsch est beaucoup plus grave. Je dirais que... Vous êtes au Maroc quand ça arrive. Dans l'affaire des barricades, disons que les militaires ont traîné les pieds. Oui. Mais ils sont pas sortis de la discipline. Oui. Dans l'affaire du putsch, un certain nombre de militaires, un certain nombre d'officiers suivis plus ou moins par leurs troupes, mais indiscutablement bien suivis dans certains cas, je pense en particulier au commandant de Noix de Saint-Marc qui commandait par intérim le 1er régiment étranger de parachutistes. Et qui passe pour un héros aujourd'hui. Qui a été d'ailleurs un héros dans pendant la guerre. Pendant la guerre, Il a été résistant, déporté, a été un très bon officier en Indochine, mais il n'a pas compris ce qui s'est passé en Indochine. Il aurait dû le comprendre. Oui. Mais il a absolument rien compris à ce qui s'est passé en Indochine. Et d'ailleurs, beaucoup d'officiers étaient dans sa situation. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait un problème de décolonisation. Que ce problème-là n'était pas contournable, qu'il fallait le traiter. Peut-être cherchait-il une revanche. Alors, certains d'entre eux cherchaient une revanche. D'autres étaient aveugles, purement et simplement aveugles. D'autres avaient construit cette théorie de la guerre révolutionnaire on a beaucoup parlé à l'époque. Argou en particulier. Ces hommes-là, il y avait mal d'officiers du grade de colonel en particulier. Oui, Lacheroy, Argou, etc. Oui. C'était des gens d'ailleurs qui agissaient par patriotisme. Certainement. Tout à fait respectable, mais qui étaient complètement à côté de la plaque. Leur patriotisme n'est pas en cause. Oui. Alors ces hommes-là construisent à partir de leur expérience indochinoise, construisent la théorie de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils croient que avec une technique qui est celle de l'encadrement des populations, de la propagande, d'un certain nombre de techniques qui ont été mises au point très bien en Indochine par Ho Chi Minh, en particulier à l'image de ce qu'a fait Mao Tse-Tung en Chine, ils pensent qu'en appliquant ces techniques, on peut gagner aussi. Et ils ne se rendent pas compte que si ces techniques ont été très importantes et peut-être même décisives dans la victoire d'Ho Chi Minh en Indochine, c'est parce que Ho Chi Minh menait en même temps une guerre nationale. Bien sûr. Parce qu'il était un patriote vietnamien et que nous étions les colonisateurs. Mais en Algérie, nous allons nous trouver dans la même situation. La guerre révolutionnaire, si nous l'avions faite étant les colonisés, nous aurions certainement gagné. Mais étant les colonisateurs, notre technique ne suffit pas à obtenir les résultats qu'on en attend, enfin que ces hommes-là en attendent. Alors je voudrais dire que ça, c'est le problème du ministre des armées pendant toute la guerre d'Algérie. Et à la fin de la guerre d'Algérie, ce même ministre que je suis va voir le problème terrible de tirer les conséquences de cette guerre, de tirer les conséquences de l'OAS, avec les procès qu'il faudra faire aux officiers qui ont été les plus compromis, qui ont été les plus indisciplinés, et je dirais la mise en retraite ou la mise à l'écart des autres. Alors, vous allez être confronté aussi à la restructuration de l'armée, puisque le général de Gaulle, lui, a une vision de la défense de la France tout à fait nouvelle. Pour la première fois, dites-vous, l'armée de terre ne sera plus prioritaire. On va se lancer dans la construction d'une force de dissuasion nucléaire. C'est toute une affaire. Ah oui, c'est une énorme affaire. Il y aura deux lois de programmation militaire qui seront faites sous votre responsabilité, si je me souviens bien. Il y aura deux lois. 61 dont, que je préparerai d'une part et que j'exécuterai. Ouais. Une troisième que je préparerai mais que je n'exécuterai pas. Je rappelle que chaque loi avait une durée de 5 ans. Voilà, oui. Alors, je dirais sur cette question de l'armement nucléaire que cette reconversion de l'armée a été une très grande chance pour les armées françaises. Parce que si nous étions sortis d'Algérie sans avoir un autre programme, un autre but à proposer aux armées, et en particulier au cadre des armées, si nous n'avions pas pu leur proposer une modernisation qui faisait de l'armée française, des armées françaises, une armée puissante, par son organisation, mais surtout par ses armements, je crois que la crise se serait prolongée très longtemps. Alors que nous sortons d'Algérie, c'est vrai, beaucoup d'officiers en souffrent, et en souffrent très sincèrement. Mais en même temps, nous leur proposons autre chose. Le général de Gaulle, et par conséquent le ministre des armées, leur propose de construire une autre armée, une armée nouvelle, et une armée qui sera une puissante armée. Pas simplement une armée coloniale, si je peux dire, mais une armée moderne, et une armée dont les moyens et les missions répondent à la politique de la France. Alors là, vous vous heurtez à deux obstacles, l'un extérieur, l'autre intérieur. Les Américains essaient par tous les moyens de nous dissuader de faire cet armement. Et là, vous racontez des entretiens assez drôles que vous avez avec McNamara, avec cet autre ministre américain qui s'appelle Nisk, je crois, et qui essaie de vous dire que vous n'y arriverez pas, tout ça. Ah oui, leur objectif, c'était de nous décourager. Oui. Vous n'en êtes pas capable. Vous n'en êtes pas capable. Oui, mais ça va vous ruiner. Oui, ça va vous ruiner. Vous allez vous ruiner. Et puis alors, il y a l'opposition interne qui rassemble socialistes et centristes, ce qui ne nous étonnera pas. Et extrême droite. Extrême droite. Alors, et qui vous dit, oui, mais ça, on veut bien une force de frappe, mais dans le cadre européen, évidemment. Oui, on ne voit pas très bien qui aurait décidé de son emploi dans ce cadre, mais ça ne fait rien. Le Canuel, Chandernagor, l'indépendance militaire nationale est devenue un anachronisme. La force nucléaire doit être européenne. Ah, et François Mitterrand aussi. Et François Mitterrand, bien sûr. Qui considérait la bombe atomique comme une bombinette. Ah ben oui, c'était le terme de l'époque. Mais c'était oui. La bombinette. C'était la bombinette. Alors cette orientation, donc, vous dites, le général de Gaulle est un stratège. Vous dites, le général est un stratège. Il voit loin, et ses choix les plus contestés au moment où il les annonçait se sont souvent révélés bons pour la France quelques années plus tard. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce souvent? Est-ce qu'il y a des cas où vous n'auriez pas tout à fait collé à ces décisions? Il y a un cas où j'ai été en désaccord avec le général de Gaulle pendant très longtemps, jusqu'en 1968. C'est sur la politique indochinoise. Il est clair que le général de Gaulle avait, en 1945-1946, jusqu'au moment où il a quitté le pouvoir, une politique indochinoise qui, à mon avis, ne répondait pas à la situation en Indochine. Oui. Et nous en avons parlé d'ailleurs l'autre jour. Et par conséquent, sur cette politique, j'étais en désaccord. Mais dans les années 60, en quoi est-ce que ça avait encore avec lui-même et avec l'amiral d'Argentlieu, qui s'efforçait, peut-être d'ailleurs en se trompant, d'appliquer ce qu'il croyait être la politique du général de Gaulle, même après le départ du général de Gaulle. Ah oui, alors quand vous dites ça se réfère à la période précédente, ça se réfère pas à la période où vous avez été ministre. Ah, ça se réfère même alors, c'est ça qui m'intéresse, oui. À la période où j'étais ministre, jusqu'à ce que le général de Gaulle affiche une politique claire pour l'Indochine dans le discours de Phnom Penh. Oui. En 1968. Alors, à partir de ce moment-là, je suis entièrement d'accord avec lui. Oui. Donc, le fond de la pensée du général, vous le dites très bien, c'est que il est trop tard pour qu'aucune idéologie, notamment le communisme, l'emporte sur le sentiment national. Et dans tous ses jugements sur ce qui se passe dans le monde, finalement, c'est l'idée qui prédomine chez lui, c'est que sentiment... Et il va avoir la même réaction, d'ailleurs, au moment des événements de Prague, en 68, je crois. Hein, c'est qu'il dit, bon, ben voilà, les Russes peuvent écraser les Tchèques et les Slovaques une fois de plus, mais le fond de l'affaire, c'est que... C'est exactement son idée. Il se trouvait que j'avais été, à la demande du général, même sur l'ordre du général, en visite officielle en Russie, au printemps de 1968, avant le coup de Prague. J'étais resté près de 15 jours en Russie. Et j'avais eu de nombreuses conversations avec mon interlocuteur, qui était le maréchal Gretschko, un des durs du comité, non seulement du comité central, mais du bureau politique du Parti communiste de l'URSS. Et un jour, nous avions parlé de l'affaire de Prague, et Gretschko m'avait dit « c'est intolérable ». Et nous ne le tolérerons pas très longtemps. Oui. Quand j'étais revenu, j'avais dit au général, vous savez, les réactions de Gretschko sont telles et tellement catégoriques que je pense que les Russes vont mettre un terme à l'aventure de Tchèque. Et c'est à ce moment-là que le général, qui s'en doutait, j'ai eu l'impression, qui s'en doutait, m'a dit, mais c'est possible... Mais ça ne changera rien pour l'avenir. Ça ne changera rien pour l'avenir. Ouais, pour l'avenir. Alors, on se retire de l'OTAN. C'est tout à fait votre opinion. On se retire de l'OTAN en 1965. Et je suis entièrement d'accord avec le général. Je ne suis pas seulement un simple exécutant, mais je suis un exécutant zélé. Et vous dites une chose qui me paraît, pardonnez-moi, très juste. Vous dites la stratégie gaulliste tire sa force de sa parfaite cohérence avec la politique étrangère. Au fond, toute cette période, le général de Gaulle a une politique étrangère autour de laquelle s'ordonne tout le reste. Exactement. Oui. Pour le général de Gaulle, et je crois que son expérience personnelle a joué un rôle très important dans ce domaine. Pour le général de Gaulle, la politique de défense ne peut être que l'expression armée, que le bras armé de la politique étrangère. J'imagine que le général de Gaulle n'avait pas oublié, enfin je suis sûr qu'il n'avait pas oublié la période de l'entre-deux-guerres pendant laquelle nous avons eu une politique étrangère et une politique de défense complètement contradictoires. Schizophrène. Notre politique de défense était purement défensive avec la ligne Maginot et notre politique étrangère avec les alliances que nous avions nouées en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Roumanie supposait une stratégie militaire offensive. C'est-à-dire que nos deux politiques, politique étrangère et politique de défense, étaient totalement contradictoires. On a vu où ça nous a amené en 1940. Le général de Gaulle avait cette expérience dans l'esprit et jamais sa politique de défense n'a été en contradiction avec la politique étrangère. Jamais. Alors quand vous portez maintenant, enfin, on pourrait parler aussi de vos relations avec les Anglais et les Allemands. Vous êtes très déçus de la coopération militaire qu'on envisage de faire tant avec les uns qu'avec les autres. Traité de l'Élysée reste lettre morte en matière de défense. C'était inévitable. Oui, vous parlez beaucoup de Schröder. Qui a été notre pire ennemi. Schröder avait été ministre des Affaires étrangères puis de la défense de la République fédérale pendant longtemps, et il était pro-américain et pro-britannique, au fond très anti-français. Ensuite, il devient ministre de la Défense. Il est évident que je ne peux pas m'entendre très bien avec lui. Il y a quelque chose d'assez amusant. Au contraire, je me suis bien entretenu avec Von Hassel. Oui. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à un moment donné, vous faites une visite en Allemagne, et alors on vous présente un tas d'officiers qui sont tous... Après une manœuvre. Oui, qui sont tous des fils d'officiers généraux du régime précédent. Et vous dites, quelquefois même remontant à l'Empire. Et alors vous dites, mais je suis étonné, je ne trouve pas de Rommel. Et le général allemand vous répond avec le plus grand sérieux, monsieur le ministre, nous sommes désolés de vous apprendre que le fils du maréchal Rommel est avocat. Oui, mais ça prouve qu'il n'avait pas beaucoup d'humour, d'ailleurs. Il n'avait pas compris l'humour de ma question. Alors quand vous portez maintenant un jugement sur tout cela, et par rapport au présent, quel est ce jugement? Que reste-t-il aujourd'hui de cette politique Que penser des gouvernements actuels qui confient à des comités d'experts le soin d'élaborer notre politique de défense? Et en quoi, au fond, nos choix d'une défense tous azimuts, tels qu'ils ont été faits de votre temps, auraient-ils vieilli, alors qu'au contraire, il semble que l'effondrement des blocs devrait leur donner un surcroît de justification et d'actualité? Je crois que la grosse erreur de la politique actuelle, c'est de ne pas tirer clairement les conséquences de la situation politique nouvelle. À partir de 1990, il y a eu un effondrement des blocs. Je dis 1990, oui. Puisque c'est la démolition du mur de Berlin. Oui. Et par conséquent, c'est à la fois symbolique et significatif. Normalement, à partir de ce moment-là, et je dirais plus encore aujourd'hui, on devrait constater qu'une institution militaire, politico-militaire, comme celle de l'OTAN, l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord, est vidée de sa substance. L'OTAN a été créée pour faire face à la menace soviétique, une menace qui existait vraiment. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la menace russe s'est affaiblie et éloignée. Bon, et on continue à renforcer l'OTAN, qui a un nombre considérable d'états-majors qui n'ont rien à faire. L'OTAN continue à faire de la mauvaise graisse, et tout le monde trouve ça normal, et même la France fait quelques pas pour se rapprocher d'un système qui n'a plus aucun avenir. La seule raison d'être de l'OTAN, c'est de permettre aux Américains de commander les armées européennes en Europe. Oui. Mais ça n'est pas du tout de protéger l'Europe contre une menace qui n'existe plus. Et est-ce que les Nations Unies ne servent pas aussi aux Américains à assurer leur direction de la planète? Est-ce que c'est pas un peu le même cas, finalement? Alors, ça n'est pas tout à fait la même chose, en ce sens que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une organisation militaire. Et par conséquent, les Américains ont dans ce domaine un commandement militaire. Oui, bien sûr. Tandis que l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation politique. C'est une direction politique qu'ils assument à travers cela, oui. Et dans la mesure où on ne veut pas, où chaque État membre de l'ONU veut échapper aux délibérations qui ont été prises, même à la majorité, ou quelquefois à une quasi-unanimité, il peut toujours le faire. Et à l'inverse, lorsque une délibération de l'Organisation des Nations Unies déplaît aux Américains, ils se contentent de la saboter. Oui. Et ça suffit très largement. Alors, je crois qu'il y a là deux aspects différents. En réalité, la puissance américaine, et en particulier la puissance économique, la puissance militaire américaine, sont telles que les Américains sont désormais la seule superpuissance dans le monde. Il faut dire que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour le leur contester. Alors, nous avons soi-disant un veto au Conseil de sécurité, nous n'utilisons jamais. Alors, il faut reconnaître que dans beaucoup de cas, nous nous résignons, et dans certains cas, je pense à la politique africaine, la Somalie, ou la politique du Moyen-Orient. Le Golfe, oui. Nous sommes quelquefois complices même. Oui, plus que complices. Alors, votre jugement un petit peu sur la politique de défense actuelle, donc, est tout à fait réservé. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'imiter ce que le général de Gaulle a fait, mais de l'appliquer à des situations nouvelles, d'appliquer à ces principes qui, dites-vous, n'ont pas vieilli. Oui. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Oui, il y a des principes qui n'ont pas vieilli. Est-ce que, aujourd'hui, quelqu'un conteste le fait que la politique de défense doit être au service de la politique étrangère? Personne ne le conteste. Sauf que nous n'avons plus de politique étrangère au motif de Maastricht. On en parlera demain. C'est une autre question. Oui. Mais je constate que c'est un principe que l'on ne conteste pas. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui en France, conteste la nécessité pour la France de conserver une force nucléaire stratégique qui la met à l'abri d'une menace d'une menace qui serait terrible contre son indépendance ou contre son existence même? Personne ne le conteste, mais dans le même temps, on se demande si il ne faudrait pas se rapprocher de celui-ci ou celui-là afin de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être l'informer, ce qui est normal, ou partager les responsabilités d'une décision, ce qui n'est pas possible. Oui, je crois que dans ce domaine, on tient. Alors, je dirais qu'on ne conteste pas les principes, mais il y a une espèce de dérapage, une espèce de de laxisme dans l'exécution qui prouve qu'il n'y a plus beaucoup de structure dans l'esprit des gens qui nous gouvernent par rapport à ces problèmes. Finalement, on s'en remet à une espèce d'opinion publique supposée qui est plutôt une opinion publique internationale, c'est-à-dire qu'on répond à une pression extérieure qui voudrait notamment en Europe que la France au fond n'ait peut-être plus cette particularité d'être le seul pays européen à avoir une force de dissuasion indépendante. Ah, je crois que sur ce point-là, c'est en effet l'opinion publique étrangère qui pèse sur le gouvernement français, beaucoup plus que l'opinion publique française. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'opinion publique française une contestation fondamentale de la politique étrangère, de la politique de défense du général de Gaulle. C'est à l'étranger que cette contestation existe, et c'est sous la pression de l'étranger que les gouvernements français, car il faut bien constater que depuis un certain temps, tous les gouvernements ont accepté ce dérapage, que les gouvernements français acceptent, si je peux dire, d'atténuer cette politique au point, dans certains cas, de la rendre méconnaissable. Vous savez qu'un important responsable allemand avait déclaré il n'y a pas si longtemps, si les Français veulent faire l'euro, il faudra qu'ils renoncent à l'indépendance de leurs forces de dissuasion. C'est intéressant comme remarque. Oui, c'est intéressant. En réalité, ça n'a pas un rapport tout à fait clair. Les deux choses n'ont pas un rapport clair. Mais la vérité, Ça illustre la pression extérieure de nos parlions. Mais voilà, la vérité, c'est que les Allemands n'ont pas encore digéré que la France soit plus puissante que l'Allemagne en ce qui concerne sa force militaire. C'est ça le fond de l'affaire. Pierre Messmer, demain, nous verrons comment vous êtes devenu Premier ministre de Georges Pompidou. À demain. Bonjour Pierre Messmer. C'est aujourd'hui le dernier volet de cette série d'entretiens. Et nous arrivons au moment où, en juillet 1972, vous succédez à Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre. Jacques Chaban-Delmas est Premier ministre, lui, depuis le 20 juin 69. Il a été nommé par Georges Pompidou aussitôt après son élection. Nous allons voir donc dans quelles conditions vous lui succédez. Entre-temps, vous êtes, on va le dire, vous êtes un petit peu un opposant de l'intérieur. Vos rapports avec Georges Pompidou ne sont pas mauvais, dites-vous, mais ils ne sont pas non plus des meilleurs. Oui, je n'appartenais pas à l'équipe de Georges Pompidou, c'est tout à fait évident. Et là, moi, j'ai un souvenir, d'ailleurs, c'est qu'un jour, je vais vous déjeuner avec Georges Pompidou, vous vous souvenez que ça m'arrivait de temps à autre, et vous aviez fait une déclaration sur de la participation. Et Pompidou, qui est quelquefois un peu un homme d'humeur, me dit, ben, je vais faire venir Pierre Messmer, et je vais lui demander de m'expliquer ce que c'est que, selon lui, la participation. Parce qu'il était, lui, persuadé, comme vous le savez, que la participation, telle que le général l'avait cherché à la faire, c'était de mettre des soviets dans les usines. Ça, c'était sa grande formule. Oui, voilà. Mais il faut bien dire que la notion de la participation de Georges Pompidou et celle du général sont profondément différentes. Ah bah totalement. Oui. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à Georges Pompidou, qui le savait d'ailleurs très bien. Georges Pompidou pensait à la participation à travers la participation au capital. Oui, à l'intéressement. Oui, non seulement le général. Le général. Non, Georges Pompidou. Georges Pompidou. Georges Pompidou pensait que la participation du personnel d'une entreprise devait se faire à travers l'intéressement, c'est sûr, mais à travers la participation au capital de l'entreprise. Et ça, il était contre. Non, il était pour. Il était pour. Il était pour. Ah bon. Mais la notion de participation, qui est celle du général de Gaulle, va beaucoup plus loin. Elle va plus loin. Le général de Gaulle, bien sûr, souhaite que la participation soit une participation au fruit de l'entreprise. Il y avait le fameux amendement Vallon, vous souvenez. Oui, voilà. Pas tellement d'ailleurs, pas tellement d'ailleurs au capital, plutôt au fruit. Je crois que aux actifs, à l'augmentation des actifs. Oui, je crois que c'est une vue qui est assez juste. Mais le général va beaucoup plus loin. Il pense que la participation doit être également une participation aux décisions. Voilà. Chacun à son niveau. Il s'agit pas là de faire un soviet. Oui. C'est ce que Pompidou a interprété. Insister. Oui, c'était une interprétation un petit peu, je dirais, critique, un petit peu polémique de Georges Pompidou. Mais pour le général, la participation, c'est une participation aussi aux décisions. Oui. Chacun à son niveau. Évidemment, on ne va pas demander aux hommes et aux femmes qui sont de simples exécutants de participer à la politique générale de l'entreprise, par exemple, à sa politique de recherche. Bien sûr, oui. Mais on va leur demander de participer à l'organisation de leurs services. Et souvent, ils ont sur ces questions-là d'excellentes idées. Et cela, Georges Pompidou ne l'acceptait pas. Alors, donc là, vous devenez... Alors, d'abord, bon, avec Chaban-Delmas, Pompidou ne s'est jamais bien entendu. Oui, au fond, c'est la raison pour laquelle j'ai succédé à Jacques Chaban-Delmas. C'était le rancard de Pompidou. Oui, voilà. Pompidou et Jacques Chaban-Delmas se sont pas bien entendus. Chaban tirait la couverture à lui, Pompidou me disait... Puis alors Chaban, c'était plus grave que cela. S'il avait été simplement une question d'homme, je crois que Pompidou aurait, à la rigueur, accepté en mettant les choses au point périodiquement. Mais la vérité, c'est que Jacques Chaban-Delmas avait une conception de la Ve République qui était une conception parlementaire. Il avait les lectures parlementaires. La meilleure preuve, c'est qu'un beau jour... Lorsque Jacques Chaban-Delmas sent que le terrain est en train de trembler sous ses pieds, qu'est-ce qu'il fait? Sans même avertir le président de la République, il annonce à la presse qu'il va poser une question de confiance et il va engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Sous la Ve République, évidemment lorsqu'il y a cohabitation, mais ça c'est un autre sujet. C'est absolument inadmissible. Aussi, Pompidou le vire 3 semaines après. Et il est viré. J'ai simplement été étonné qu'il ne soit pas viré le soir même. Oui, c'était peut-être un peu difficile. Enfin, bon. Alors, donc, à ce moment-là, donc Georges Pompidou vous appelle, et comme vous le dites, il vous revient à ce moment-là de préparer les législatives de 73, qui auront lieu 8 mois plus tard. Oui. Et au cours de laquelle, bon, vous perdez une centaine de sièges. Ah oui, mais enfin, je gagne. Bien sûr, vous gagnez. Bien sûr, parce que vous aviez une large avance. C'est ça. Vous réussissez beaucoup mieux que M. Juppé dans le même exercice. Ce qui caractérise la France depuis un certain nombre d'années, c'est que tous les premiers ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, perdent les élections législatives. Oui. Si vous revenez à 1981, vous constaterez que en 1984, Fabius a perdu les législatives. En 86. En 86, il a perdu les législatives. Plus tard, Bérégovoy a perdu les législatives, mais Juppé a perdu ses législatives. L'habitude des premiers ministres maintenant, c'est de perdre les législatives. Giscard les a pas tout à fait perdus, mais il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. Et j'ajoute que il les a pas perdus parce que au dernier moment, Jacques Chirac et le RPR se sont vraiment engagés sans arrière-pensée. Ils avaient eu des arrière-pensées pendant la période précédente, mais dans la bataille, le RPR s'est engagé franchement. Alors, vous avez été confronté à beaucoup de problèmes, notamment le problème du quinquennat. D'ailleurs, vous dites que vous avez été très réticent dans cette opération pompidolienne de réduire le mandat du président de la République à 5 ans, qui a d'ailleurs échoué. Pompidou devait me dire d'ailleurs que le quinquennat était mort dans le désert du Sinaï. Parce que, effectivement, les centristes, au moment de l'affaire de la guerre du Kippour, mécontents de la position prise par le gouvernement, ont décidé de ne plus suivre le président de la République et ont bloqué l'affaire, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'au fond, il devait être au fond très acquis à cette idée du quinquennat. Dans cette affaire, Georges Pompidou s'est trompé. Son analyse, l'analyse d'un homme... Qu'est-ce qu'il voulait, là, au fond ? J'ai pas compris. Georges Pompidou était décidé... Parce qu'il savait bien qu'il ne fallait pas que le mandat présidentiel législatif coïncide, puisque moi, il m'a dit, on s'arrangera pour que ça coïncide pas, mais alors on aurait été en élection permanente. À mon avis, il s'est trompé sur le fond, mais... je crois que l'explication, c'était qu'il sentait sa maladie s'aggraver. Voilà. Je crois que c'est l'explication. Mais il s'est trompé aussi dans la tactique, ce qui est plus étonnant, parce que c'est un très bon tacticien. Et l'expérience l'a montré en plusieurs circonstances. Je crois que là aussi, sa maladie le handicapait considérablement. Parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le débat ne vienne pas. J'étais persuadé que nous n'arriverions pas à obtenir la majorité des 3/5 nécessaires pour faire la réforme constitutionnelle. On aurait pu aller au référendum, mais enfin... C'est ce que j'ai demandé à Georges Pompidou, mais aller au référendum supposait une campagne du président de la République, et son état de santé était tel qu'il ne pouvait pas faire cette campagne référendaire lui-même. Par conséquent, nous étions quasiment condamnés à l'échec. Et cela... je l'avais prévu, c'est pourquoi j'avais traîné les pieds le plus longtemps possible avant d'engager le débat. Et en fin de compte, tout s'est terminé comme je le craignais, c'est-à-dire par un échec moins lourd que je ne pensais. C'est-à-dire que ça s'est ensablé, c'est le cas de le dire. Ça s'est ensablé, on n'a plus parlé. En réalité, il nous a manqué qu'une vingtaine de voix pour les trois cinquièmes. Et c'est pourquoi nous n'avons pas été à Versailles. Mais c'était une mauvaise idée. Elle est toujours aussi mauvaise aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours autant de gens qui s'en réclament. Mais alors là, moi, j'aime beaucoup, de ce point de vue-là, les engagements que prennent les candidats aux présidentielles. Vous avez remarqué qu'ils prennent tous l'engagement de réduire à 5 ans la durée du mandat présidentiel, et ils le font jamais. Ils le font jamais. Encore que ça ne s'appliquerait pas à eux s'ils le faisaient. Monsieur Mitterrand l'a affirmé deux fois, une fois dans chaque campagne. Giscard était pour 6 ans, lui, je ne sais pas pourquoi. Valéry Giscard d'Estaing a préféré 6 ans. Alors, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, et également deux fois François Mitterrand. Je dois dire que dans sa dernière campagne, Jacques Chirac n'en a pas parlé. Non. Mais Jospin, lui, était tout à fait partisan, disait-il au moins. C'est curieux qu'on ne voit pas l'inconvénient de ce système qui ferait que... ou alors il faut aller tout à fait vers la présidentielle à l'américaine, supprimer le droit de dissolution du président de la République. Exactement. C'est un autre régime. Mais on oublie qu'on l'a eu en 1848. Ça s'est très mal terminé. C'est la raison pour laquelle le général de Gaulle n'en voulait pas. Bien sûr. Le général de Gaulle a eu l'occasion au moins deux fois d'en parler avec moi parce que la conversation était venue en tête à tête sur ce sujet-là. Et le général de Gaulle considère qu'un régime présidentiel à l'américaine ne pourrait aboutir en France qu'à des coups d'État. Absolument. Parce que les Français n'ont pas, si je peux dire, le goût de la négociation et du compromis qui caractérise le système américain à partir du moment où ils sont en situation qui est celle d'aujourd'hui, avec un congrès républicain et un président démocrate ou inversement. Encore qu'il semble qu'on s'y fasse. Enfin bon, parlons un peu de vous, Pierre Messmer. Alors, Georges Pompidou, donc vous avez assisté à cette agonie assez longue. Vous avez tout dit d'ailleurs très justement que, et c'est l'impression que j'avais eu aussi à l'époque, qu'au fond, il a nié sa maladie jusqu'au bout. Ce qui explique le courage avec lequel il a supporté cette maladie qui était extrêmement douloureuse. Peut-être aussi a-t-il été assez mal soigné, mais enfin ça... Mais François Mitterrand aussi a nié sa maladie jusqu'au bout. Non, il ne l'a pas nié. Il l'a nié. Oui. Il l'a nié aux yeux du public, mais il l'a pas nié vis-à-vis de lui-même. Oui. Est-ce que Pompidou a peut-être cru qu'il... au point de se faire faire de faux certificats médicaux. Oui, non. Mais il l'a nié vis-à-vis du public, mais il savait ce qu'il avait. C'est-à-dire que je me suis demandé si Pompidou ne le niait pas par rapport à lui-même. C'est-à-dire s'il ne se persuadait pas que finalement il pourrait durer. C'est pas le même genre de maladie non plus. Oui, c'est pas le même genre de maladie. C'est une maladie très rare et par conséquent. Alors, il meurt le 2 ou le 3 avril 1974. Beaucoup de gens, Pierre Messmer, vous poussent à vous présenter. Oui. Alors, je me souviens très bien que lorsqu'en 76, par là, donc 2 ans après, j'ai écrit un petit livre de souvenirs, j'ai été vous voir et je vous ai demandé pourquoi vous n'étiez pas présenté. Vous m'avez dit parce que Chaman Delmas, ayant déclaré sa candidature alors que Pompidou n'était pas enterré, ça rendait la situation impossible. Et puis quand j'ai publié ce livre, vous m'avez invité à venir vous voir et vous m'avez dit « mais je vous ai pas dit tout à fait la vérité ». Et alors ce qui m'a amusé, c'est que dans vos mémoires, j'ai retrouvé exactement la phrase que vous m'avez dite à ce moment-là. Car vous écrivez dans vos mémoires « en bref, depuis le début de ma vie active, j'avais toujours eu conscience de dominer ma fonction, grande ou petite, donc d'être capable de l'assumer au mieux, ce qui me donnait assurance et autorité. Pour la première fois, depuis mon entrée à Matignon, je n'étais plus sûr de moi et je devais me poser la question, serais-je capable d'être président de la République ?» Oui, voilà. Alors, c'est exactement ce que j'ai pensé. Et je crois qu'il a été honnête de ma part d'en tirer les conclusions. Plutôt ciel que vos concurrents aient la même réflexion. Après ce que j'ai vu depuis, je pense que mes scrupules étaient excessifs. Oui, je crois. Alors, bon, vous dites que de toute façon, Chaban ne se serait pas retiré parce qu'il était très entêté. Sûrement mais, pas. Mais Giscard était coincé, car Giscard avait pris l'engagement Giscard de ne pas se présenter. Giscard ne se serait pas présenté, mais vous imaginez ce qu'aurait donné une campagne des deux anciens premiers ministres de Georges Pompidou l'un contre l'autre. Nous ouvrions une avenue à François Mitterrand. François Mitterrand aurait été élu 7 ans plus tôt. Vous pensez. Mais C'est tellement facile de faire campagne. Il y a eu deux candidats quand même, puisqu'il y a eu Chaban et Giscard. Oui, ah oui, mais c'était pas les deux anciens premiers ministres de Georges Pompidou l'un contre l'autre. C'est un peu différent. Tous deux gaullistes en plus. Oui, oui. C'est tellement facile de faire une campagne en disant, regardez, ils sont même pas capables de s'entendre entre eux. Est-ce que vous croyez qu'ils seront capables de l'un ou l'autre de gouverner la France? Mais les idées européennes de Chaban-Delmas étaient beaucoup plus proches de celles de Giscard que de celles même de Pompidou. Je veux dire, de ce point de vue-là, il a toujours été extrêmement... Chaban est vraiment très européen. Oui. Il l'a toujours été. Oui, mais ça, il n'est pas dans une ligne très gaulliste de ce point de vue-là. Non, mais il l'a jamais caché, le fait qu'il était très, très européen. Vous savez, c'est pas un hasard si le général de Gaulle n'a jamais fait de Chaban-Delmas un ministre. Oui, c'est vrai, on oublie ça. On oublie ça. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui, Pierre Messmer, sur l'état de la République, si je puis dire? Vous, en 1988, vous avez quitté la vie politique en 88, on va retracer toutes les... Il y a eu des élections législatives, vous avez été battu, et vous m'avez... J'ai retrouvé dans mes archives, je n'ai pas sous les yeux aujourd'hui, une lettre où vous m'avez... J'avais dû vous envoyer un petit mot pour vous dire ma sympathie, vous m'avez répondu... écoutez, je n'aime plus la vie politique. Mes électeurs ont dû le sentir. Mais parce que j'avais décidé de ne pas me représenter. La vérité est que j'avais décidé de quitter la vie politique. Alors j'ai été surpris par la dissolution. Et lorsqu'il y a une dissolution, il faut bien en tirer les conséquences, c'est-à-dire se représenter. Mais si cette assemblée avait été jusqu'à son terme, je ne me serais pas représenté. Et tout le monde le savait. Parce que j'étais là, de la vie politique, et lorsqu'on en est là, il faut surtout pas continuer. C'est votre tentation de Venise. Je vois au-dessus de vous, Pierre Messmer, nous sommes dans votre bureau de l'Institut, un très beau tableau de Canaletto qui représente le Grand Canal. Oui, c'est vrai, il appartient à l'Institut de France. Magnifique. J'ai pas besoin de vous le dire. Il est magnifique, mais enfin, vous l'avez sous les yeux, puisque vous lui tournez le dos, mais enfin, il veille sur vous. Mais ce que je veux dire, c'est que il arrive un moment où lorsqu'on est là d'une activité déterminée, et c'était mon cas pour la politique, il est honnête de s'en séparer. Et c'est ce que j'ai décidé à cette époque-là. Oui, mais alors... Je ne le regrette pas, parce que j'ai eu toutes sortes d'autres choses à faire. Oui, mais alors à la fin de votre livre de mémoire, à laquelle nous sommes souvent référés, parce qu'il est passionnant, il n'est pas ancien, il est paru il y a juste 2 ans, et vous partez, les dernières pages sont presque un appel au drapeau, car vous dites, vous critiquez au fond ce qui résulte du traité de Maastricht, tout à en particulier fait. la monnaie unique. Tout à fait. Vous dites, la solution qu'on nous propose est dangereuse, car un institut d'émission ne peut ni ne doit être totalement indépendant du pouvoir politique. À la première crise, il sauterait comme un bouchon de champagne. La légitimité de tout gouvernement, d'où découle son droit de décider pour la nation, sa capacité à se faire respecter et obéir, sera entamée, car elle trouve sa raison d'être dans l'exercice de fonctions, de devoirs, tels que la défense extérieure, la sécurité intérieure, l'administration de la justice, etc. Et vous ajoutez, s'il renonce à ses devoirs, l'État perd sa légitimité. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Toute ma vie, j'ai rêvé d'une France indépendante. Et ça, on l'a bien vu dès notre premier entretien, lorsque dès juin 40, vous choisissez le grand large en détournant un bateau italien. Toute ma vie, j'ai rêvé d'une France indépendante, forte et fraternelle. J'ai travaillé et combattu pour elle. J'y crois toujours. Avec ceux qui partagent cette conviction, peut-être faudra-t-il que je m'engage dans une dernière bataille contre un projet qui ne respecte pas l'indépendance de la France ni la liberté des Français. Oui, alors j'observe que c'est ce que j'ai fait. Vous savez que j'ai participé à la campagne contre Maastricht. Mais je crois qu'il faut être actuel, comme vous le souhaitez. Il me semble qu'en ce moment, la politique française poursuit deux objectifs qui sont largement contradictoires. L'un de ces deux objectifs est d'entrer dans la monnaie commune, dans l'euro, à tout prix. À tout prix. À tout prix. À tout prix. À tout prix. Et ça, c'est le côté idéologique. L'autre objectif, c'est d'améliorer la situation d'un certain nombre de Français qui sont parmi les moins favorisés. Je dis moins favorisés parce que vous savez que je connais les pays d'Afrique et qui sont, eux, misérables. Et en même temps, d'essayer de garder à la France une certaine personnalité dans le domaine social. Oui, il serait souhaitable, bien, pas uniquement dans celui-là, mais enfin... Eh bien, en particulier, le gouvernement actuel très clairement visé un effort de la France dans le domaine social, en essayant d'y associer les autres membres de l'Union européenne qui ne veulent rien savoir pour nous y accompagner. Alors, à partir du moment où les autres pays d'Europe ne nous accompagnent pas dans ce domaine social, nous avons deux politiques contradictoires, l'une qui est d'entrer à tout prix dans l'euro, et l'autre est, qui est de conduire une politique sociale plus généreuse, certes, mais en contradiction avec celle de nos alliés et de nos amis de l'Union européenne. Je dis que ces deux politiques sont tellement contradictoires que si nous nous obstinons à les poursuivre simultanément, nous allons droit dans le mur. Mais oui, mais d'ailleurs, nous savons parfaitement qu'une majorité des Français est contre cette politique prétendument européenne qui tout de même nous assujettit un peu excessivement à l'Allemagne. Alors, les Français ont cru devoir le dire par leur vote en 95, aussi en 97, les deux votes ne sont pas tellement contradictoires, et cependant, cette politique leur est imposée sans scrupule par cela même qui nous avait fait croire qu'il la changerait. Et ça se reproduit aussi bien dans le comportement des partis de gauche que des partis de droite. C'est tout à fait vrai. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a une sorte d'unanimité rejoint même maintenant les communistes. Les communistes appartiennent à un gouvernement qui est, disons, idéologiquement, farouchement partisan de l'entrée de la France dans l'euro à tout prix, c'est-à-dire à n'importe quelle condition. Et naturellement, les socialistes suivent, et, le RPR et l'UDF aussi. Je pense que il y a là une espèce de conjuration des élites, comme ça arrive de temps en temps en France. Je dirais que, d'une certaine façon, parce que c'est très à la mode en ce moment de parler de 1940, je dirais que, d'une certaine façon, en 1940, il y a eu une conjuration des élites en faveur de Vichy, alors que, dans sa profondeur, le peuple français n'était pas pro-allemand. Pas du tout. Il n'était pas collaborateur. Pas du tout. Il était sous le coup de la défaite. Il était assommé par la défaite. Oui. Mais il n'a jamais été le complice des atrocités du gouvernement allemand, dont Vichy s'est rendu d'ailleurs complice par la suite. Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une sorte de vichisme du temps de paix? Oh, vous savez, le vichisme, c'est une expression qu'affectionnait notre ami Alexandre Sanguinetti. Oui, c'est une tentation perpétuelle des élites françaises. Pierre Messmer, vous connaissez la phrase célèbre de Shakespeare, la vie est une histoire pleine de fureur racontée par un idiot et qui ne signifie rien. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez vécu? D'abord, la fureur, dans certains moments, oui. La bêtise, je crois que les hommes ne sont plus ni plus intelligents ni plus bêtes que du temps de Shakespeare aujourd'hui. Et d'ailleurs, Shakespeare, dans un certain nombre de ses drames, met en scène des hommes qui ne sont pas complètement idiots. Ce qui est mon rêve reste aujourd'hui mon rêve, c'est-à-dire de vivre dans une France, dans un pays qui soit un grand pays et un beau pays non seulement par sa beauté matérielle, mais aussi par son prestige intellectuel et moral. Et ça, c'est toujours difficile. Il n'y a pas de démocratie possible en dehors de la souveraineté nationale. Non seulement il n'y a pas de démocratie, mais il n'y a pas, si je peux dire, de liberté possible. Ben oui. En dehors de ce qui est encore plus grave. Or, c'est ce que l'on semble le plus oublier aujourd'hui. C'est-à-dire, on se comporte comme si, comme le disait déjà Drieu La Rochelle, les patries étaient dépassées. C'est une vieille rengaine. Oui, c'est une vieille... Mais on le voit en ce moment, vous savez bien, il y a encore récemment eu une grève des routiers. Mais ça, c'est un effet de la déréglementation européenne aussi. C'est à la fois un effet de la déréglementation, ce qu'on dit peu. Mais en même temps, En même temps, cette grève a soumis le gouvernement français à des pressions de la part de ses voisins. Absolument, oui, absolument. C'est-à-dire que nous avons constaté une ingérence de nos voisins dans une politique dont personne ne conteste que c'est une politique nationale. Oui, et dont les solutions ne peuvent être que nationales. Ouais. Enfin, encore que, on finit par se demander si elles peuvent l'être. Ah oui, mais exactement, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui. Avec deux politiques contradictoires que nous menons parallèlement, nous allons droit dans le mur. Pierre Messmer, merci pour ces 5 entretiens que nous avons eus ensemble et qui m'ont fait grand plaisir. Je rappelle que, pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur vous, vous avez publié il y a 2 ans à peine vos mémoires sous le titre « Après tant de batailles » et que sont toujours bien sûr disponibles chez Albin Michel. Merci encore. C'était « À voix nue ». Pierre Messmer au micro de Philippe de Saint-Robert. Réalisation Daniel Finot. Première diffusion de la série sur France Culture du 8 au 12 décembre 1997. Vous pourrez réécouter en ligne cette émission durant 1000 jours ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.